Alfred de Musset, 1810-1857. Il aurait 101 ans. C'est un joli vieillard, tout blanc, très soigné, conservant encore les restes de son élégante tournure et n'ayant que très peu modifié sa tenue de dandy de 1830. Moralement, il a dépouillé le jeune homme et même l'homme mûr. Le mot caprice est vide de sens pour lui. Il passe ses nuits dans son lit, solitaire, où il dort bourgeoisement. Il ne pense pas trois fois l'an à George Sand, qu'il ne voit plus jamais et qu'il trouve maintenant bien vieille pour lui. Ce soir, Musset a été au Théâtre Français. Il n'y était pas seul. La salle était comble. On jouait non pas du Molière, mais une pièce de la Nouvelle École, une pièce express. La représentation terminée, il est entré au café de la Régence, a demandé de quoi écrire, et n'ayant guère apprécié le spectacle, a commencé une seconde soirée perdue, mais sans jeune fille au cou blanc délicat. Il n'aurait pu la suivre, jusque chez elle d'ailleurs. Les jeunes filles ne reviennent guère à pied du théâtre aujourd'hui. Rentré peu après, à petits pas, dans son appartement de la rue du Mont-Abord, auquel il est resté toujours fidèle, Musset, avant de se coucher, prend un verre de lait sucré bien chaud, comme il a coutume de le faire chaque soir, ayant, depuis belle lurette, renoncé à Satan, à l'alcool et à ses pompes.